Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast Ostéo et Sciences, premier épisode d'une longue série on l'espère. Aujourd'hui l'équipe est au complet puisque je suis avec Tiffen, Damien, Michael, Thierry et la direction. Ça va les amis ? Salut Guillaume ! Ça va très bien, salut tout le monde ! Salut à tous ! Aujourd'hui trois sujets, Damien va nous parler d'une autre histoire de l'ostéopathie, moi je vais vous parler d'EBP et d'ostéopathie, et la direction de la nécessité de mettre à jour nos connaissances. Allez, c'est parti. Damien, tu voulais donc nous parler histoire de l'ostéo. Peut-être une petite introduction avant sur le sujet. Donc, moi, j'ai intitulé ça « Une autre histoire de l'ostéo », enfin, de l'ostéopathie, pour plusieurs raisons et... La principale, c'est qu'en fait, quand on parle de l'histoire de l'ostéopathie, souvent on se rend compte que ce qui revient très très souvent dans les explications de la genèse de l'ostéo, eh ben c'est un peu toujours les mêmes gimmicks, un peu les mêmes thèmes, à savoir la fameuse corde sur le cou de Steele qui lui aurait permis de découvrir l'intérêt de travailler sur le crâne pour régler ses maux de tête, le fait qu'il massait le ventre pour guérir de la méningite. Enfin bon, je caricature un petit peu, mais c'est vrai que c'est souvent ces mêmes choses qui viennent là. Pas mal de citations un peu qu'on attribue à Steele, comme le fameux « keep it pure, boys », parce que donc il disait ça à la fin de sa vie, quand ses enfants étaient à son chevet. Donc pour tout ça, c'est des gimmicks qui reviennent souvent. Et alors, je fais une autre petite micro-parenthèse pour savoir justement comment on s'attribue un peu tous les sujets et l'intérêt justement d'aborder un peu l'histoire de l'ostéopathie comme ça maintenant dans un podcast Ostéo et Sciences. L'idée, c'est que chacun en fait choisit un sujet. Moi, en l'occurrence, j'aime bien l'histoire en général, l'ostéopathie a fortiori, puisque je suis et il me paraissait important aujourd'hui de revenir sur la genèse de l'ostéopathie parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus délaissé dans l'enseignement, dans les écoles, on enseigne de moins en moins justement comment c'est apparu l'ostéopathie, dans quel contexte Steele l'a fondé. Et en même temps, au niveau de la recherche, c'est quelque chose qui est de plus en plus traité, puisque ça suscite de plus en plus l'intérêt de chercheurs. Là, je pense notamment à la dernière publication là, que j'ai en tête et qui est disponible sur l'IJOM de Raphaël Zegara-Parodi, par exemple, qui parle des interactions qu'il y a pu y avoir entre Steele et les Indiens, les Amérindiens Shawnee. Ça, je vais en parler un petit peu, justement. Donc, il y a une espèce de dichotomie entre voilà, l'enseignement qui traite de moins en moins ce sujet-là et, du coup, la recherche qui s'intéresse de plus en plus. Et puis, en plus, en corollaire de ça, ça nous permettra aussi d'arriver sur le sujet qui va me suivre, donc qui va être traité par Guillaume, sur le fait d'avoir un peu deux camps qui viennent s'opposer entre ceux qui sont pour l'ostéopathie entre guillemets traditionnelle et puis ceux qui se disent bah, pourquoi pas être intégré complètement à de la kiné, de la physio, etc. Donc ça, ce sera Guillaume qui va traiter ça, de la spécificité de l'ostéopathie ou pas, en fait, par rapport à ça. Donc c'est une bonne transition, je pense. Sans plus attendre, je vais donc vous parler de la genèse de l'ostéopathie. J'utilise un peu volontairement ce mot un peu religieux parce que je pense quand même que s'il y a quelque chose qui est encore un petit peu su par tous les ostéopathes, c'est que Steele a une forte imprégnation religieuse dans son éducation, hein, de par son père qui était pasteur méthodiste. Alors, je ne vais pas vous parler directement de Steele d'abord. Je ne vais même pas vous parler de son père, je ne vais même pas vous parler de son grand-père, je vais vous parler de son arrière-grand-père. Donc on est aux alentours de 1780, donc fin du 18e. Aux États-Unis, il vivait dans ce qu'on appelle en anglais donc, « the frontier », donc la frontière, on pourrait peut-être traduire ça par « frontière », qui est une limite assez floue entre les États, États-Unis, qui ont formé donc les premiers États-Unis, les colonies fondatrices des États-Unis, et puis les territoires un peu sauvages, un peu indiens. Et donc c'est une limite un peu floue entre des États où il y a pas du tout, des États où il y a la loi qui s'applique en gros, et puis une partie des États-Unis où ou des futurs États-Unis, ils n'ont pas encore conquis tout le continent, où il n'y a pas, où c'est un peu vraiment le territoire des Indiens. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que on va voir justement l'imprégnation qu'il y a entre les Indiens et puis la genèse de l'ostéopathie avec justement l'article de Raphaël Zegara Parodi. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que son grand-père et sa grand-mère donc, ont été enlevés par des Shawnees. Assez maltraités, on peut dire, hein, parce qu'ils ont été vraiment torturés, tués. Donc son arrière-grand-père a été tué par ces Indiens-là. Son arrière-grand-mère a été enlevée, torturée, brûlée. Enfin bon, c'est une histoire assez violente. Donc vous voyez que le contexte dans lequel vivent ces gens-là est particulier par rapport à toute l'insécurité qu'ils pouvaient avoir à cet endroit-là. Donc sa grand-mère, son arrière-grand-mère a été enlevée, torturée. Presque tous ses enfants ont été tués. Il y en a deux seulement qui survivent, donc Marie et James. Donc James qui va être le grand-père de Steele. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'effectivement, ça inscrit vraiment l'histoire de l'ostéopathie dans un contexte historique particulier, dans une région du monde particulière, dans une histoire particulière de ce pays-là, donc les États-Unis, et puis des gens qui vivent là. Donc quand je vous parle du 18e, hein, 18e, 19e, en gros c'est western, hein, les cow-boys et les Indiens. Donc une société assez violente, assez rurale, encore une fois, dans cette partie-là du monde, hein, dans The Frontier, donc la frontière, vraiment assez rurale. Et ça va un petit peu déjà initier, instiller un petit peu la concurrence, entre guillemets, qu'il va y avoir entre les médecins de la campagne et puis les médecins des villes. Parce que vous allez voir que quand Steele va fonder l'ostéopathie, il va y avoir une concurrence qui va s'instaurer à ce moment-là, de pratique-là de la médecine. Donc, ses grands-parents sont enlevés, torturés, tués. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que c'est des Shawnees donc, qui enlèvent, qui tuent, qui torturent. Et puis, c'est des Shawnees qui vont aussi inspirer un peu Steele dans sa pratique médicinale donc, et donc ostéopathique. C'est un peu une ironie d'histoire qui se joue là à ce moment-là. Il n'est pas rancunier, quoi. Voilà, exactement. Et c'est quand même, effectivement, je pense, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner parce qu'il est souvent décrit hein, comme quelqu'un d'assez exceptionnel, André Taylor Steele. Je vous avoue que moi, plus on me dit qu'il est exceptionnel et plus j'ai une certaine réticence à le croire parce que, bon, on a tendance à éviter un peu tout ce qui est idolâtrie. Enfin, en tout cas, personnellement, j'aime pas trop tout ce qui est idolâtrie. Et effectivement, après avoir cherché pour faire cette chronique-là un peu l'histoire de Steele, il faut reconnaître qu'effectivement, il est vraiment, vraiment intéressant comme personnage parce que malgré cette histoire vraiment particulière d'interaction entre les Shawnees et sa famille et ses arrière-grands-parents, non seulement il n'est pas rancunier, mais en plus, il fait un effort supplémentaire d'aller dans les camps indiens, qui va s'instaurer petit à petit au fur et à mesure du temps. Et il va vraiment militer hein, pour un respect des Amérindiens indigènes des États-Unis. Enfin, non seulement il n'est pas rancunier, mais il est d'une tolérance assez folle. Et je dois reconnaître que je n'étais pas forcément parti pour le dire ainsi, mais il faut reconnaître quand même que c'était un homme assez exceptionnel. Sans parler de tout le reste, parce qu'il est effectivement très impliqué dans le fait d'ouvrir son école aux femmes, etc. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a un certain progressisme et assez stupéfiant par rapport à Steele. Donc voilà, je refais surtout un peu pour l'époque, oui. Oui, exactement. Donc, il faut lui reconnaître ça quand même. Hein. Il faut quand même lui reconnaître tout ça. Et vraiment, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'idolâtrie. Je comprends vraiment beaucoup, tant mieux, le profond respect qu'il y a pour cet homme. Et sans faire d'idolâtrie, il faut aussi rendre à César ce qui est à César, comme on l'a dit un peu rapidement. Et donc, ses arrière-grands-parents sont enlevés, torturés. Donc, son grand-père, pardon, non, pas son grand-père, c'est son père qui est déjà médecin à l'époque, hein, donc c'est docteur Abraham Steele, qui est père d'Andrew Taylor Steele, qui va aussi vivre dans cette partie-là du monde, hein, donc vraiment à la croisée entre des terres sauvages et des terres civilisées, si on peut dire. Donc, et déjà un clinicien, un médecin, toujours donc plutôt de campagne, hein, donc un petit peu différemment des médecins de ville. Et puis, il a une pratique particulière de la médecine. À cette époque-là, donc, la médecine, elle se transmet pas mal hein, de père à fils. Et c'est pour ça que naturellement, le fils donc, de Abraham Steele, donc Andrew Taylor Steele, va devenir médecin en étant formé par son père à la médecine. L'aspect religieux, je l'aborde assez rapidement, mais effectivement, son père était pasteur méthodiste. Mais pourquoi est-ce que j'aborde cet aspect-là ? Donc, c'est effectivement ce qui va imprégner tous les écrits de Steele plus tard, où le sujet de Dieu revient assez régulièrement. Donc, il faut le savoir aussi, effectivement. Mais c'est aussi ce qui va permettre à Steele, à Andrew Taylor Steele, donc au fils, et à toute la famille, de voyager pas mal en fait, autour des États-Unis, surtout dans la côte est hein, des États-Unis, donc en Virginie, en Missouri, au Kansas. Donc, il voyage pas mal, ce qui va lui permettre de rencontrer pas mal de monde, et du coup, notamment, de rencontrer des gouverneurs, des politiciens, et qui vont justement un petit peu aussi parfaire son éducation politique, hein, puisque effectivement il devient aussi abolitionniste en rencontrant ces différents personnages. Donc abolitionniste par rapport donc à l'esclavage, je remets aussi dans le contexte de l'époque, avant la guerre civile, la guerre de sécession comme on appelle en France. Donc voilà, ça rajoute encore une couche vraiment assez progressiste à Steele. Alors, en tout cas, d'homme qui réfléchit un petit peu à effectivement une certaine philosophie de vie. Je reviens un petit peu sur le terme de philosophie. Parce que, alors j'ai plus le papier ici, mais effectivement j'avais vu une femme qui avait fait, en sociologie je crois, hein, qui avait fait une étude sur Steele, et qui lui disait que, alors je le dis un peu pour l'humour, hein, mais effectivement elle disait qu'on décrit souvent Steele comme philosophe, mais il n'a pas grand chose de philosophe dans le sens où quand on lit ses textes, il définit pas grand chose en termes de concepts, en termes de terminologie donc, qu'il va utiliser. Et effectivement, c'est vrai que quand on lit Steele, il a entre guillemets un style particulier, assez difficile à lire, assez peu clair. Et effectivement, il définit pas grand chose dans ses concepts, notamment l'ostéopathie. Hein, il n'y a pas énormément de lignes qui puissent définir l'ostéopathie. Donc, je reviens sur effectivement la vie de Steele pour voir un petit peu cette genèse-là. Donc, il est né donc en Virginie, 1828, donc tout début du 19e, et il a grandi donc à la ferme, dans une ferme, avec des conditions de vie, donc effectivement, de la ferme des États-Unis des années 1800, hein, donc effectivement assez à la dure. Il va apprendre donc la médecine au contact de son père, qui va le former. Et puis ensuite, il va faire une législature politique hein, au Kansas, dans lequel justement il va parfaire son éducation politique, notamment du côté des abolitionnistes. Et ensuite, il va servir comme chirurgien pendant la guerre de sécession, du coup, aux côtés des abolitionnistes, hein, donc aux côtés des Yankees, donc des nordistes. Et c'est très certainement là qu'il commence un petit peu à perdre, entre guillemets, la foi dans la médecine conventionnelle de son époque. Parce qu'en gros, la médecine de guerre, surtout à l'époque, il n'y a pas tant de solutions. Hein, c'était dans 80% des cas l'amputation qui était pratiquée et on ne se souciait pas trop du respect, entre guillemets, de l'intégrité physique des personnes. En gros, l'idée, c'était de sauver sa vie. On coupait la jambe, on coupait le bras et puis c'était assez vite réglé. Et donc, effectivement, à plusieurs reprises, hein, il écrit que c'est une époque assez traumatisante pour lui. Et donc, c'est après cette guerre qui va commencer certainement aussi à se dire que peut-être le bistouri, on pourrait essayer de s'en servir, en tout cas dans des cas les plus là où on ne pourrait pas faire autrement. Très certainement. Après ça, c'est des supputations, parce que comme je vous l'ai dit, hein, les écrits de Steele sont assez difficiles à lire et puis assez vagues en fait. Hein. Il a été assez prolifique en écriture, mais pas forcément très précis, de manière très précise. Et puis donc après cette guerre là de sécession, Steele va perdre aussi trois de ses enfants de la méningite et un de pneumonie. Tout ça au cours d'une seule année. Donc effectivement, on peut aussi s'imaginer, étant médecin lui-même, hein, voyant ses trois enfants mourir les uns derrière les autres, que ça a dû certainement aussi un peu impacter sa vision de la médecine de l'époque. Donc, il a commencé à traiter les gens sans chirurgie ni médicaments pour essayer de justement favoriser, entre guillemets, la capacité du corps à se soigner lui-même. Et c'est là qu'il va formaliser, entre guillemets, hein, je mets vraiment formaliser, entre guillemets, et puis les principes fondateurs, entre guillemets aussi, de l'ostéopathie. Alors, pourquoi je mets entre guillemets? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, hein, il ne va rien définir dans ses écrits. Donc, on ne sait pas vraiment quels sont ces principes fondateurs. Ils ne sont jamais vraiment listés, ils ne sont jamais vraiment, vraiment définis. Et c'est là que voilà, une idée naît un petit peu chez Steele donc dans les années 1870-1874. Donc, c'est l'année décrite comme la fondation de l'ostéopathie. On sait aussi qu'il a été blessé hein, pendant la guerre civile, ce qui lui a donné un peu un petit moment d'incapacité pendant plusieurs mois. Et très certainement, hein, c'est ce qu'on décrit, que ça lui a laissé un peu de temps de réfléchir sur ses concepts et sur son idée d'ostéopathie. Et quand il a été rétabli, il a commencé du coup à pratiquer cette méthode-là ou cette médecine-là particulière à travers le Missouri et le Kansas quand il est rentré donc chez lui. Il a finalement atterri à Kirksville, dans le Missouri, là où il va installer réellement son hôpital, hein, sa clinique et son hôpital. Alors, je rappelle ça aussi, hein, c'est que ça reste un médecin à l'époque, hein, même si c'est un médecin de campagne, ça reste un médecin. Il utilise donc quand même la chirurgie, les traitements médicamenteux, tout ce qui se fait en fait en médecine. Hein. Simplement, il va ajouter un petit peu effectivement cette vision de la thérapie manuelle ou de l'ostéopathie, et puis aussi cette vision du coup de la prise en charge du patient, en tout cas de la personne dans sa globalité, à savoir pas seulement corporelle, mais aussi certainement spirituelle. Et là, c'est là que je rejoins un petit peu le dernier papier en date que j'ai en tête hein, par rapport à justement un peu la genèse de l'ostéopathie, qui est le papier de Raphaël Zegarra Parodi, qui est paru entre septembre et décembre 2019 dans l'IJOM, et qui nous apprend justement que dans un petit peu son cheminement à travers les États-Unis, Steele, à un moment donné, alors, à un moment donné, c'est quand même plusieurs années, hein, à passer du temps dans un camp indien, amérindien, Shawnee. Il me semble, hein, de mémoire, que c'est une dizaine d'années dans ce camp-là. Et chose assez intéressante au regard de son histoire familiale, c'est qu'il y passe du temps et il va non seulement sympathiser, entre guillemets, avec les Amérindiens, mais il va faire plus que ça, puisque il va apprendre la langue, donc ça on le sait parce qu'à plusieurs moments il y a des annotations qu'il fait en langue, donc Shawnee. Non seulement ça, mais une de ses filles est complètement bilingue en fait en Shawnee, donc on sait qu'il a réellement, entre guillemets, adopté vraiment cette culture-là. Et chose assez intéressante, c'est qu'effectivement, non seulement il adopte cette culture-là, mais souvent, notamment sur une des photos, il note, il fait une petite annotation en dessous avec un terme Shawnee qui veut dire donc homme médecin, si on peut dire comme ça, en Shawnee. Donc, il a aussi effectivement très certainement été en contact avec des médecins chamans de cette partie-là des Amérindiens des États-Unis, donc les Shawnee. Et cette médecine donc chamanique, alors qu'on qualifie un peu de médecine chamanique, hein, parce qu'effectivement les chamans c'est une autre géographie, une autre histoire, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on regroupe sous ce terme un peu générique les médecines traditionnelles animistes. Et on sait que effectivement dans pas mal de cultures, la médecine chamanique c'est un ensemble de choses. On vous fait boire un certain cocktail, on vous donne des plantes, etc. Il y a des rituels et parfois aussi des techniques manuelles. Et donc, effectivement, on sait qu'il a été en contact avec ces chamans-là, grâce au fait que donc il a cette annotation-là de médecine, homme-médecin, langue Shawnee, et il a aussi un tapis. Donc, je pense que là, nous, on utilise essentiellement du drap d'examen en papier pas cher, le moins cher possible, etc. etc. Et donc, lui, il utilise comme drap d'examen, si on peut dire, un tapis Navarro, justement, de traitement chamanique. On sait que ces tapis-là, ce pas des choses qu'on peut acheter, commander, etc. C'est vraiment des choses qui sont offertes d'un chaman à un autre lorsque celui-ci estime qu'il a affaire à un confrère. Donc, vraiment, il y a tout un des éléments qui vraiment ramènent à ce rapprochement possible entre la médecine chamanique des Shawnee et puis cette approche-là qu'il a eue. Et ce que ça va avoir comme conséquence, très certainement, hein, c'est qu'effectivement, dès le début, ça va un petit peu frictionner avec la médecine, on va dire, conventionnelle des villes, surtout entre la médecine de ville et la médecine de campagne. Pardon ? Une méfiance, quoi. Oui, c'est ça, et une méfiance, voire plus qu'une méfiance, ça, c'est vraiment une animosité entre les médecins, on va dire, des villes qui considèrent qu'eux, ils savent faire, et les médecins de campagne, entre guillemets, dont, en fait, Steve va devenir vraiment un espèce de presque, j'allais dire, un peu, pour tenter la comparaison complètement anachronique entre un professeur Raoult et Steve, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un peu cette idée-là, où il va vraiment devenir, de par sa renommée, hein, parce qu'il va avoir une certaine renommée, son hôpital va se développer de manière assez intéressante, va devenir effectivement voilà, le médecin de campagne de terrain et contre le consensus de la médecine des grandes villes. Et donc ça va entraîner hein, cette guéguerre-là, qui peut être aussi un peu en résurgence un petit peu, hein, comme souvent, alors souvent on dit que l'histoire se répète, ou en tout cas si elle ne se répète pas, elle rime souvent, et effectivement ça peut-être aussi expliquer cette espèce de résurgence qu'il y a aujourd'hui de combat entre les gens qui disent attention, on va se faire vraiment englober, voire phagocyter par les kinés, les thérapeutes manuels, etc., etc. Et puis ceux qui disent, non, il y a quand même une spécificité à l'ostéopathie qu'on peut trouver et faire perdurer. Il faut vraiment garder en tête aussi que Steele, à l'époque, c'était pas non plus quelqu'un qui était un anti-scientifique, hein, au contraire, parce qu'il va avoir, par exemple, les premières machines radiographiques pour faire des radios, donc des rayons X, dans son hôpital. Donc, il va vraiment pousser ses étudiants à faire des dissections pour en apprendre plus sur l'anatomie, etc. Donc, il fonde quand même vraiment sa médecine sur quand même une certaine base scientifique. On peut quand même effectivement le reprocher deux, trois petites choses. C'est vrai qu'effectivement, il va un peu critiquer des principes de vaccination, mais bon, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, hein, la vaccination, c'était on s'injecte quand même une espèce de bouillie de pancréas d'animaux infectés. Donc bon, enfin, c'est vrai que voilà, c'est un peu facile de dire aujourd'hui, oui, bon, il critiquait la vaccination. Bon, faut voir qu'à l'époque, c'était particulier la vaccination. C'est vrai que sur ce côté-là, peut-être qu'il n'était pas forcément visionnaire, mais en tout cas sur tout un tas d'autres phénomènes. Il a été quand même assez en avance sur son temps. Donc vraiment, sur les rayons X, par exemple, sur le fait de venir ouvrir son hôpital et puis son école aux femmes, etc. Donc vraiment, c'était vraiment quelqu'un d'assez ouvert d'esprit et qui intégrait naturellement les connaissances scientifiques de l'époque, tout en ayant ce parallèle. Hein, vraiment, j'insiste un petit peu avec ce parallèle de la médecine traditionnelle chamanique Shawnee. Et donc, c'est peut-être là, effectivement, cette symbiose qu'il a pu faire entre l'aspect traiter le corps dans son ensemble et puis plus que le corps, l'esprit aussi des Shawnee et en plus effectivement la médecine, on va dire, la plus moderne possible pour l'époque. Michael, tu avais une question. Oui, il y avait une question que je voulais te poser. Je crois que toi tu enseignes à des étudiants l'histoire de l'ostéopathie en général, c'est bien ça? Oui, j'enseigne donc l'anatomie et la physiologie générale et j'intègre effectivement un petit peu d'introduction à l'histoire de l'ostéopathie pour cet enseignement-là. Ok. Lors de tes cours de l'histoire de l'ostéo, qu'est-ce qui est important pour toi d'enseigner à tes élèves par rapport à l'histoire de l'ostéopathie ? Ben, merci pour la question. Effectivement, c'est intéressant et ça rejoint un petit peu l'introduction que je faisais aussi tout à l'heure dans le sens où moi, si je me permets de parler un petit peu de l'histoire de l'ostéo aux premières années notamment, parce que c'est vraiment les premiers cours de première année, c'est parce qu'effectivement, si on s'arrête, je pense, hein, c'est vraiment un avis personnel pour le coup, hein, y a pas de... donc c'est sujet à réflexion, mais si on s'arrête un petit peu de parler de l'histoire de l'ostéo et de la genèse de l'ostéo, ça va créer un espèce de vide et ce vide-là va certainement faire un espèce d'appel d'air qui va être, à mon sens, rempli par beaucoup de rumeurs ou de on-dit ou de... Enfin, typiquement, voilà, c'est rempli par les Keep It Pure Boys et par les choses comme ça, qui sont un peu des petites phrases mais qui raconte rien du contexte dans lequel c'est né. Et donc moi, ce sur quoi j'insiste auprès des étudiants, donc c'est le contexte, comme je vous ai dit là, par rapport au fait que ça naît dans un contexte particulier de violence et donc de campagne, donc d'une médecine un peu empirique et de terrain, on peut dire. Et j'insiste aussi sur le fait que, étant lui-même médecin et ayant vécu la mort de ses enfants les uns après les autres, etc. Donc forcément, ça lui remet un peu en question sur sa pratique à lui et sur ce qu'ils en savaient à l'époque. Et donc effectivement qu'il aille chercher après à côté sur notamment des médecines chamaniques, un traitement qui puisse prendre en considération toute la personne et pas simplement amputer, enfin je caricature un peu, mais vraiment couper des mains et des pieds pour garder en vie la personne. Ça ne m'étonne pas de son parcours. Et du coup, effectivement, d'insister sur le fait qu'il ait été en contact avec pas mal de traditions différentes, de cultures différentes, et qu'il ait un peu regroupé un petit peu tout ça dans sa médecine qui va, lui, après, traduire comme ostéopathique. Donc c'est vraiment sur ça que j'insiste, et finalement pas tellement sur le reste, comme je vous ai dit, hein, les petites phrases ou le côté les disciples qu'il va avoir et les querelles de chapelle qu'il va avoir après, et qu'on enseigne classiquement, hein, vraiment la guéguerre style Little John, etc., etc. Bon, voilà, ça j'insiste pas trop sur ça, je préfère insister sur le contexte, le fait qu'il est inspiré, il était inspiré par les médecines chamaniques, et qui peut-être du coup, effectivement, et comme ça l'est un peu expliqué dans l'article de Raphaël Zegarra-Pardu, ça peut être ça aussi qui pourrait éventuellement, dans un futur proche et moyen terme, nous permettre de garder une certaine petite spécificité à l'ostéopathie. D'accord. Donc, la parole sacrée, c'est pas ça qui t'intéresse, c'est plus vraiment le contexte historique, familial du bonhomme qui l'a amené à développer l'ostéo, quoi. Oui, c'est ça. C'est du coup la réflexion que ça lui a engendré, le fait justement d'être confronté à tout ça. À tout ça, ouais. Toutes ces cultures. Ok, d'accord. Thierry ? Oui, tu expliquais au début qu'aujourd'hui la recherche avait l'air de s'intéresser à cette question-là, si j'ai compris. Oui. Est-ce que tu peux développer là-dessus ? Qu'est-ce que tu entends par recherche ? Et puis, où est-ce que ça mène, a priori ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, alors quand je dis la recherche, alors effectivement, je l'ai pas précisé au tout début, mais bon, je pense que ça me paraît évident, surtout après ce que vous avez entendu justement de mon exposé. Moi, j'ai pas fait une thèse dessus, j'ai pas fait un travail de recherche, etc. Donc ça, effectivement, ça serait intéressant que ce soit mené par des spécialistes. Et là, je rebondis sur ta question, Thierry. En fait, il semblerait qu'effectivement il y a un jeune Argentin là qui est ostéopathe et qui fait des études, alors je ne sais plus si c'est en sociologie ou en anthropologie, qui a décidé de faire une thèse en fait sur justement la genèse de l'ostéopathie et le contexte historique dans lequel ça s'inscrit. Donc ça serait, alors c'est pas encore publié, hein, il est en cours de rédaction, mais ça serait super intéressant, je pense, à lire une fois que ça sera produit. Donc vraiment, il y a des spécialistes qui commencent un petit peu à s'intéresser à ça. Et quand je dis à la recherche, donc je fais référence à l'article de Raphaël Zegarra-Parodi, donc sur la relation qu'il y a pu y avoir au tout début entre les chamans Shawnee donc, et puis la genèse de l'ostéo. Mais je fais référence à plein d'autres articles aussi sur les principes de l'ostéo, notamment par exemple de David Evans, qui ont été publiés en 2012. Je fais référence aussi à Jane Elisa Stark, qui a été publiée en 2012 également, ou Andrew Cotton. Donc ça, c'est sur réellement les principes et l'évolution en fait des différents principes, donc la loi de l'artère suprême, etc., etc. Donc tout ça, je vous en parlerai certainement une prochaine fois, mais qui ont été, tu vois, donc vraiment, donc ça, c'est des trucs qui sont publiés dans LightJob, et effectivement, 2012, hein, essentiellement. Mais il y en a de plus en plus qui s'intéressent à l'historicité de ces principes et de l'histoire de l'ostéo. Donc c'est en ça qu'effectivement, je te dis dans l'histoire, effectivement, ça, on est d'accord, ça ne va pas se publier sur Science ou Nature, mais dans l'IJOM, ils publient, au JAWA aussi, je crois qu'il y a quelques articles aussi. Donc voilà, c'est vraiment en ça que petit à petit, on s'intéresse à comment ça s'est fondé. Notamment pourquoi, en fait, c'est pour servir certainement de base et de réflexion pour justement se dire vers quoi on veut aller pour l'ostéo de demain. Merci Damien pour ce premier sujet et c'est moi qui vais enchaîner avec le deuxième. Donc, moi je vais vous parler d'EBP en ostéopathie. Mais d'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce sujet. Déjà, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un reportage sur Arte que je pense on a tous vu. Alors, je ne vais pas parler de la qualité du reportage en lui-même parce que la majorité des ostéopathes étaient très contents et puis quelques-uns ont été un petit peu embêtés, ce qui a été mon cas. En fait, je vais parler plutôt de la conclusion de ce reportage où on voit deux ostéopathes de renom, des gens qui sont à la tête de formations assez prestigieuses, pardon, qui en substance nous disent que la recherche est une perte de temps et que ce qu'ils observent dans leur cabinet leur suffit. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'ostéopathes se qualifient de praticiens EBP, comme s'il s'agissait d'un label. Et quand on observe tout ça, on se dit qu'on va peut-être vers une confrontation entre des ostéopathes qui se veulent EBP et des ostéos qu'on pourrait qualifier plutôt d'empiriques. Donc, l'EBP, déjà, c'est quoi ? Evidence-based practice. On pourrait traduire par pratique fondée sur les preuves, mais la preuve ayant un caractère plutôt définitif, on va dire, qui est peu compatible avec la démarche scientifique. Moi, je préfère parler de pratique fondée sur les données probantes. Il s'agit d'une méthode. Le praticien qui essaie d'être EBP, il fait le choix de sélectionner les données issues de la science pour prendre les décisions les plus justes. Cette méthode, elle a des avantages, des défauts. Je ne vais pas les lister ici. Il y en a qui ont fait des doctorats sur la question. Mais il faut reconnaître qu'elle s'est plutôt imposée dans de nombreux domaines, notamment dans le soin. Une des critiques qu'on fait souvent à l'evidence-based practice, c'est qu'il s'agirait d'une application froide et mécanique de statistiques et qu'on serait alors coupé de la réalité du cabinet. Donc, certains ostéos préfèrent, ostéos ou d'autres professions d'ailleurs, hein, on n'est pas les seuls dans cette situation, préfèrent donc s'en remettre à leur seul jugement. Ils vont même jusqu'à parler de tyrannie des preuves qui sous-entend que quand on essaie de faire de l'evidence-based practice, on utiliserait que ce qui est prouvé par la science et que ça empêcherait notre pratique de se développer. Et donc là, pour moi, il y a un malentendu. Si initialement, c'est vrai que le modèle se base largement sur les preuves, il n'a cessé d'évoluer, notamment avec les publications de Sackett, où on a ajouté deux données supplémentaires pour la prise de décision. Il va y avoir l'expertise du praticien qui va rentrer en ligne de compte, ses compétences, son expérience clinique, etc., et les valeurs du patient, c'est-à-dire ses choix, ses préférences, ses expériences passées, ses croyances, etc., etc. Et donc, ces publications-là, on est dans les années 90, donc ça ne date pas d'hier. L'expérience du praticien, elle n'est donc pas sans valeur, mais elle doit être pondérée, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte de la littérature scientifique et des meilleures preuves à sa disposition pour prendre ses décisions. Si une de ces trois composantes, un des trois piliers venait à manquer, par exemple le patient n'a pas de préférence ou alors il n'y a pas de données suffisamment solides concernant tel ou tel sujet, le praticien il peut décider de se rabattre sur les autres, c'est-à-dire par exemple utiliser surtout son expérience, ce qu'il a observé, ou bien même utiliser plutôt les attentes du patient. Et pour ça, je vous invite à regarder la publication de Gueda en 2017 sur l'indice de factualité. C'est paru dans Kinésithérapie, la revue. Médecine factuelle, pratique factuelle et indice de factualité. Donc idéalement, la décision, elle devrait donc reposer sur ces trois piliers. Donc l'expérience personnelle du praticien n'est pas sans valeur. Par contre, toujours selon l'EBP, elle est tout en bas de la hiérarchie des preuves. La hiérarchie des preuves, ça pourrait être une sorte de pyramide avec à sa base l'expérience du praticien, les accords d'experts, de groupes de travail, etc., etc. Et tout en haut de cette pyramide, on va trouver les grades de niveau 1, avec les essais comparatifs randomisés, les méta-analyses et ce genre de choses. Pourquoi est-ce que l'avis d'expert va se situer tout en bas de cette pyramide? Eh bien parce que notre cerveau, aussi fascinant soit-il, commet des erreurs et va tracer des liens entre des choses, des liens de causalité, entre des choses qui n'en ont pas forcément. Notre cerveau, il n'est pas à la recherche de vérité, il est à la recherche de cohérence. J'invite tout le monde à prendre contact, à se renseigner, à lire autour des neurosciences et de la métacognition en général. La démarche scientifique, elle va nous permettre d'essayer de limiter au maximum ces biais pour s'approcher le plus possible d'une forme de vérité. Cette pyramide permet aussi de faire le tri dans une littérature scientifique de plus en plus foisonnante. Alors, ce n'est pas évident de s'y retrouver quand on s'intéresse à un sujet. Eh bien, ça permet d'essayer de voir où sont les données les plus probantes et d'être le plus en plus efficace dans notre pratique. Dans les écoles aujourd'hui, la connaissance, elle se transmet toujours plutôt de façon empirique. C'est ce que nous dit l'étude de Sposato en 2018, qui était parue dans le Journal of Bodywork and Movement Therapies. Alors, je vais nuancer un petit peu ce que je dis, parce que Damien pourra nous en parler. Dans certaines écoles qui restent une minorité, les choses sont en train de changer. Et puis le week-end dernier, j'étais aussi en formation. Et j'ai pu discuter avec des jeunes diplômés et je me rends compte que dans certaines écoles, vraiment, on va dans le bon sens. Mais je pense qu'on est toujours plutôt dans ce mode de transmission aujourd'hui de façon générale. Et ce mode de transmission, il fait que des données non évaluées, des pratiques qui n'ont jamais été évaluées, vont se transmettre de génération en génération. Et là, l'argument d'autorité du professeur joue à plein. La démarche scientifique, donc, c'est pas un frein à notre pratique, c'est plutôt une opportunité qui va nous permettre d'être de plus en plus efficace, et c'est même une nécessité dans l'intérêt de nos patients. On peut même parler de déontologie. Donc, cette science, c'est une opportunité, c'est ce qui va vraisemblablement nous permettre d'accéder à un plus haut niveau de connaissance dans notre discipline et même de reconnaissance, et pourquoi pas être mieux intégré parmi les professions de soins. Il y a une question qui se pose beaucoup, j'ai l'impression, c'est si en tant qu'ostéo, tu t'approches de ce qui est plutôt evidence-based practice et que dans d'autres professions, c'est le cas aussi, est-ce qu'à un moment, on ne va pas perdre notre spécificité, tu vois ? Enfin, dans quelle mesure on va rester, unique et rattaché aux racines, entre guillemets, de l'ostéo ? Mais c'est un peu ce qu'a soulevé HD tout à l'heure, hein, sur... Les deux peuvent peut-être être compatibles, mais dans quelle mesure ? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est une bonne question, déjà, je trouve, à laquelle j'ai pas de réponse à apporter véritablement, mais je vais laisser Guillaume. En fait, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais c'est vrai que quand on parle de BP, souvent les praticiens ils se sentent menacés. C'est ce que j'ai observé. Encore une fois, notamment ce week-end, où on était plutôt orienté EBP, et j'ai vu des gens qui se sentaient bousculés. En fait, moi, ça n'a pas énormément modifié ma pratique, les techniques que j'applique. Les techniques que j'utilise, c'est toujours des techniques ostéo, ça n'a pas changé. C'est simplement que je ne vais peut-être pas les utiliser au même moment, je ne vais peut-être pas les utiliser avec le même discours. Voilà, c'est plutôt dans ce genre de choses. Donc, je pense que je continue à faire de l'ostéopathie. Par contre, j'utilise plus effectivement les études. Quand les études me disent « là, il faut manipuler, c'est plus intéressant », je vais manipuler. Quand les études me disent « c'est pas intéressant, je vais moins le faire », etc., etc. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond. Enfin, je pense qu'on est tous à peu près pareil dans ce podcast. Hein. C'est que on continue à faire des techniques d'ostéo, à faire de la thérapie manuelle, mais ce qui change énormément quand on essaye d'avoir une approche EBP, c'est surtout le discours autour, quoi. C'est-à-dire ce que tu dis au patient, pourquoi tu le fais, quel est l'intérêt, quelle est la théorie derrière. Tu fais et qu'est-ce que tu fais pas, surtout. Je pense que c'est surtout ça qui change, hein, quand tu es ostéo, que tu veux conserver une part de thérapie manuelle dans tes consultations, mais tu veux avoir un discours plutôt EBP. Oui, moi, ça m'a permis, par exemple, de véhiculer auprès de mes patients des croyances que j'avais aussi, hein, dues à ces études que j'avais faites. Des croyances toutes bêtes, mais j'imagine qu'on a tous fait, au moins dans nos cliniques respectives, quand on était clinique pédagogique, j'entends quand on était à l'école encore, mais des croyances type « vous avez mal au dos parce que vous avez la coxo-fémorale droite en antériorité, l'iliac gauche en poste », enfin… C'est des, voilà, pas mal de choses qui, jusqu'à présent, n'ont justement, comme a expliqué Guillaume tout à l'heure, font partie de matières qui n'ont pas encore été éprouvées, voilà, par l'observation et l'expérience. L'expérience plutôt, d'ailleurs. Moi, ça m'a permis ça, de me placer en tant que praticien EBP, entre guillemets. Voilà. Ça m'a permis d'arrêter de véhiculer ce genre de choses. Pourtant, ça ne m'empêche pas, comme tu disais, de travailler un bassin, ça ne m'empêche pas de faire certaines techniques encore que j'ai apprises à l'école, mais j'arrête de véhiculer les croyances autour, comme tu dis. Ouais. En fait, moi, je trouve que l'exemple des manipulations, elle est très intéressante par rapport au fameux triptyque expertise du praticien, données de la science, valeur du patient. C'est-à-dire que je parle pour mon cas, en sortant de l'école, avec une vision très, très biomécanique du corps, traditionnelle ostéopathique, on va dire, je trouvais qu'on était beaucoup sur l'expertise du praticien, l'utilisation de ses compétences, de ses connaissances, etc., etc. Et en s'intéressant à la démarche scientifique, on peut aller lire des études, comprendre mieux ce qui se passe lors des manipulations, comprendre que ce qu'on nous a dit, c'est peut-être une vision très simplifiée des choses. Dans ce cas-là, on va sélectionner un autre pilier, les données de la science. On va essayer de naviguer un petit peu là-dedans. Et puis, on va découvrir que dans ces données-là, exprimer certaines choses dans le discours liées aux manipulations, finalement, ça peut être délétère pour le patient. Ça peut lui donner des croyances qui vont faire que non seulement on va avoir du mal à faire passer sa douleur, mais en plus, ça risque éventuellement de l'entretenir, etc. Et dans ce cas-là, on se dirige vers le troisième pilier, qui sont les valeurs du patient, ses attentes, etc. Et donc là, ensuite, une fois qu'on a corrigé ça, entre guillemets, on est sur les trois piliers, et à mon avis, on est plus efficace. Oui, je pense que c'est bien résumé, en effet. Ouais. Moi, je vais pour dire un petit mot sur la spécificité. Je pense que la spécificité, le fait de chercher une spécificité à notre profession avec ce modèle théorique, c'est pour moi plutôt ça qui va engendrer de la discorde, dans le sens où, en fait, quelle que soit la profession, si le modèle théorique est le même, on est plus ou moins censé faire tous la même chose, avec la capacité que l'on peut avoir au cabinet. Alors, c'est sûr que nous, on a peut-être plus longtemps par patient, d'autres en ont moins, et ça va dépendre de la profession en elle-même, quoi, du modèle de financement. Mais sinon, au final, si le modèle théorique est le même, pas forcément les choses différemment, et je pense que de chercher une différence, c'est pas forcément la meilleure chose à faire non plus. Oui, bien sûr, je disais pas qu'il fallait absolument qu'on ait une spécificité, mais je sais que c'est une question qui se pose beaucoup. Non, bien sûr. Damien, toi qui enseignes en école pré-grade, c'est-à-dire les écoles qui forment les ostéopathes, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu sais de l'entrée de l'EBP dans l'enseignement ? L'enseignement EBP dans les écoles, il se fait pas forcément dans toutes les écoles déjà, parce que comme je vous l'ai dit aussi dans la présentation qu'on a faite un peu de chacun d'entre nous, je suis sur deux écoles différentes. Et disons qu'il y en a une qui est un peu plus en avance sur l'autre par rapport à l'enseignement EBP. Il se fait en fait dès la première année. On en parle tout de suite, hein, du contexte psychosocial, du fait que il faut prendre en compte différents types de facteurs, tout ce qui est les drapeaux, par exemple, on en parle assez rapidement, et c'est tout de suite intégré aussi dès la quatrième année à l'entrée de la clinique, quoi. Tout de suite les étudiants, quand je les encadre en clinique, ils prennent ça en compte, hein, donc Donc, c'est plutôt très, très bien assimilé par les étudiants. Il n'y a pas vraiment de discours des étudiants, même ceux qui font du fascia, du crânien, je vais pousser un peu la caricature, mais même ceux qui sont à fond fonctionnels, disons, ils comprennent tout à fait l'intérêt de prendre en compte tous ces facteurs-là. Et ils ne se sentent pas du tout réduits dans leur choix d'approche et de traitement ostéopathique. Oui, pour eux, c'est pas deux discours différents. Ils peuvent associer les deux discours facilement. Oui, tout à fait. En sachant qu'après, effectivement, l'enseignement crânien est en train d'être un petit peu modifié dans une des deux écoles. Hein, donc, encore une fois, c'est un peu, effectivement, un peu plusieurs vitesses, je pense, hein, les écoles en France. Dans une des deux écoles, l'enseignement crânien est en train d'être un petit peu modifié, où on essaie d'être un peu moins sur les modèles, Magoun et Sutherland. On essaye un peu d'amener d'autres types d'explications, disons. Par exemple, sur tout ce qui est CRI, donc Cranial Rhythmic Impulse, et notamment surtout sur le fait qu'on soit bien en fait en accord avec le fait que quand on palpe du crânien, du fascia, etc., effectivement, on est quand même plutôt sur une sensation personnelle, disons, du praticien. Il doit y avoir une explication aussi à ces sensations-là. Et ces explications-là, elles sont plutôt, on va dire, sur une sensation interne propre au praticien et puis également propre au patient. Donc, c'est pas de nier. C'est pour ça que je pense qu'ils ne se sentent pas forcément réduits. C'est qu'on ne nie pas le fait qu'il peut y avoir des choses. Simplement, on essaye d'alléger un petit peu l'explication théorique qui peut parfois être assez... qui peut partir un petit peu dans des extrêmes, parce que je reprends l'exemple de Fryette. Fryette, c'est de l'anatomie osseuse pure, entre guillemets, mais ça part dans des extrêmes, au sens où on va chercher la torsion, la rotation. Donc, on essaie de simplifier un peu ça, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que Fryette, c'était pas forcément ce qui se passait en réalité. Ça ne fonctionnait pas exactement. Donc, on fait ça que parce que sur le biomécanique, donc Fryette, mais aussi sur le crânien, mais aussi sur tout le reste, sur le fascia, le fonctionnel, etc. Super, voilà. ça donne plutôt de confiance sur les futurs ostéos. Cette réticence-là, elle vient du coup pas tellement des étudiants, plus des professionnels, ouais. Et notamment des professionnels qui ont un certain nombre d'années d'expérience, pas forcément les plus anciens, mais en tout cas ceux qui ont 10, 20 ans d'expérience. Et c'est vrai que c'est eux qui se sentent un petit peu peut-être réduits ou amoindris dans leur manière de faire, dans leur pratique. Et c'est là où effectivement il peut y avoir une réticence, et c'est là où je pense quand même qu'il peut être intéressant de garder une certaine spécificité. Alors après, c'est à trouver, hein, c'est une réflexion qui doit se faire, je pense, avec tous les professionnels, avec les syndicats, avec les écoles, et chaque professionnel aussi lui-même. Et pour justement un petit peu aussi, pour ne pas perdre ces gens-là, ce serait dommage en fait qu'on se retrouve comme aux États-Unis avec deux pratiques, un crânio-sacral qui est très très fonctionnel machin et qui est pas du tout du coup qui s'appelle presque même plus ostéo en fait, hein, c'est vraiment du crânial sacré thérapeute, et puis un autre ostéo pur et dur médecin, etc. Et c'est là aussi que je revenais avec ce que je disais juste avant quand je présentais ma partie, l'intérêt aussi de faire de la publication de la recherche, y compris sur les principes d'ostéo, y compris sur la philosophie d'ostéo, y compris sur tout ça, parce que c'est ça qui va nous permettre, nous professeurs et je pense chaque professionnel, de fonder nos réflexions et puis notre évolution sur des choses qui soient publiées et qui soient du coup de qualité, d'une certaine qualité, disons. Thierry, tu avais une question ? Eh bien, pas une question spécialement, mais Damien m'a devancé. Je voulais revenir sur cette notion de spécificité qu'avait évoquée Mickaël, sur cette crainte que certains auraient de tous bords. Et la question, je pense, elle est légitime et elle se pose véritablement, puisque si on avance, ce n'est que mon avis bien sûr, hein, si on avance vers de plus en plus de BP, de plus en plus de démarches scientifiques en ostéo ou en thérapie manuelle en général, il me semble naturel qu'à un moment donné, il y ait une sorte d'uniformisation de la thérapie manuelle au sens large, qui peut regrouper ostéo, kiné, chiro et autres. Mais je ne crois pas que ce soit un problème en soi, puisque encore aujourd'hui, ce qui m'intéresse véritablement, moi, et c'est très personnel, hein, c'est pas d'être ostéopathe ou d'être kinésithérapeute ou d'être... Ce qui m'intéresse, c'est la thérapie manuelle et, tu parlais de déontologie juste avant, et déontologiquement parlant, être le plus à même de soulager mes patients de leurs douleurs, de leurs maux, voilà, en étant le plus efficace. Après, que je m'appelle ostéopathe, que je m'appelle thérapeute manuel spécialisé dans la prise en charge de la douleur, que je m'appelle X ou Y, peu importe. Donc moi, je ne crains pas cette uniformisation si elle devait arriver. J'en doute, hein, c'est pas que ça ne se fera pas comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que personnellement, je ne craindrais pas du tout. Si je peux me permettre, je crois même que cette uniformisation, elle permettrait qu'on ait aussi un discours assez égal les uns les autres, les différents professionnels. On a chacun une façon de travailler, rien que par le temps de consultation ou le nombre de consultations. Par exemple, par rapport au kiné, on ne voit pas les gens le même nombre de fois, on n'a pas le même temps avec eux, etc. Donc rien que par ça, on a une spécificité. Par contre, si on a le même discours et qu'on n'a pas forcément les explications de ce qui se passe, mais qu'on cherche à comprendre, à remettre en question ce qu'on pensait acquis et qu'il ne l'est pas forcément, ça ne peut que nous faire avancer et faire avancer les patients, à mon avis. La direction, de quoi tu voulais nous parler ? Alors, moi, je vais parler justement de remise en question. Donc, dans un premier temps, je vais contextualiser tout ça. On va parler déontologie, un des freins majeurs justement à la remise à jour et de l'aspect légal. Alors déjà, pour contextualiser quelques chiffres, il faut savoir qu'à peu près 20% d'adultes de la population européenne souffrent régulièrement de douleurs modérées à sévères. Justement, aujourd'hui, en consultation d'ostéo, on constate que la majorité viennent pour des douleurs. Donc, je vais citer deux études. Justement, il y a l'étude MOST qui a été faite sur 98 ostéos, au moins 1600 patients, et au final, on se rend compte que 91,9% des consultations sont pour des plaintes douloureuses. C'est quand même pas mal. Ensuite, on a une étude de 2017, justement, où on se rend compte que des plaintes rhumatismales, donc globalement tout ce qui est douleur articulaire, on a 48% et 14% justement de ce qui est trauma. Donc là encore, on a la majorité, c'est pour des plaintes douloureuses. Donc on peut constater que dans ces deux études, majoritairement, les gens viennent pour ça. C'est-à-dire savoir gérer leurs douleurs ou justement les soulager. Donc c'est une autorité publique. Petit plus, justement, quand on regarde un peu la littérature, on voit que la majorité des praticiens de santé se sentent démunis face à la douleur. Donc, les chiffres, c'est 88% des professionnels trouvent la prise en charge des patients chroniques difficile, et 78% d'entre eux incriminent les études initiales. Donc là, je sens venir l'argument du « oui, mais ça, c'est les professionnels de santé », et je suis d'accord. Au final, on n'a pas de littérature qui nous concerne, mais concrètement, ça pourrait nous concerner pareil. Donc, généralement, par exemple, je vais prendre la médecine générale, ils ont à peu près 10 heures de formation dans tout leur cursus. Donc, ce n'est pas un sujet très travaillé. Donc, on va parler de déontologie, dont on a parlé tout à l'heure avec Guillaume. Moi, je vais reprendre à la base. Qu'est-ce que la déontologie ? Bon, ça vient du grec, déontos, devoir. Donc, dans le sens courant, il renvoie aux obligations que les personnes sont tenues de respecter dans leur travail. La première personne à laquelle on pense, quand on parle de déontologie, c'est Hippocrate, donc le père de la médecine, avec son primum non nocere, donc ne pas nuire. Donc, globalement, si on regarde, les médecins sont priés de ne pas nuire leurs patients, mais au final, ça concerne tous les gens qui vont avoir une action sur la santé de la population. Donc, là encore, qu'est-ce que la santé ? On va reprendre la définition de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, globalement, si un patient vient au cabinet, il ne doit pas partir avec des choses qui pourraient lui nuire à terme, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et au vu de la déontologie générale, il faut ne pas nuire au patient et c'est, je dirais, la première règle à respecter. D'où l'importance d'avoir des connaissances adaptées sur notre propre domaine de compétence qu'est la douleur. Maintenant, le problème majeur qu'on peut voir justement dans toutes les thérapies physiques, quelles qu'elles soient, c'est souvent de donner trop d'importance à l'expérience du praticien. On en a parlé tout à l'heure justement avec le BP. On peut remarquer même que les patients lui donnent beaucoup de crédit. Là, globalement, si on regarde la pyramide des preuves, l'expérience domine un peu tout le reste pour la majorité des praticiens. Mais justement, il y a eu une revue systématique qui a été faite là-dessus. Certes, elle n'est pas parfaite, donc on ne pourra pas avoir de conclusion définitive, mais elle donne déjà des premiers éléments de réponse. Donc l'objectif, c'était de voir la qualité des soins, si elle s'améliorait justement avec l'expérience du praticien. Donc là, l'évaluation a été faite sur des médecins généralistes. On constate plutôt que une fois sorti des études, avec l'expérience, justement, la qualité des soins s'améliore. Au fur et à mesure, justement, ça stagne, et ensuite, elle va atteindre un pic jusqu'à diminuer. Donc, les premières hypothèses pour expliquer cela, justement, c'est que les thérapeutes, donc les médecins, en l'occurrence dans les études, ont leur boîte à outils qui a été globalement remise à jour dans leurs études et avec leur pratique dans les hôpitaux. Ils vont travailler et l'expérience va être une plus-value. Et au bout d'un moment, ils ne vont plus se renouveler, n'étant plus en cours, ne se formant moins, ayant moins le temps. Justement, on se rend compte que la qualité diminue. On s'est rendu compte aussi que plus l'âge du thérapeute était avancé, moins ils étaient réceptifs aux nouvelles normes de soins. Donc là encore, on parle de médecine générale, et ça peut nous donner une idée de ce qui se passe dans notre propre profession aussi. L'aspect légal maintenant. Donc sommes-nous tenus de nous mettre à jour? La réponse est oui, justement. Donc on peut le voir dans la loi du 4 mars 2002, qui précise « Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue. » La formation continue, on voit plein de formations, mais notre premier champ de compétences, c'est la gestion de la douleur. Donc ça devrait être la première chose que l'on devrait remettre à jour, logiquement. Ensuite, pour les écoles, si des directeurs nous écoutent, justement, les écoles sont priées de former un conseil scientifique et, globalement, devra définir les grandes orientations du cursus. Évidemment, dans le respect du référentiel national en lien avec l'évolution scientifique et professionnelle. C'est-à-dire que déjà, dans les écoles, il devrait y avoir un conseil qui regarde la littérature de manière générale et en tire justement des informations pour l'inscrire dans le parcours initial. Globalement, on l'a dit, ça commence à être fait, mais ce n'est pas non plus la folie. Donc, en soi, nous sommes tenus de nous mettre à jour sur la douleur, sa prise en charge et les effets de la thérapie manuelle, par exemple. Beaucoup avancent à tort que, justement, l'ostéopathie, qui se dirige vers une direction plus scientifique et moins empirique, va droit dans le mur. Bon, moi, perso, je n'ai pas de réponse et j'ai juste une remarque. Les premiers concernés, justement, par tout ça, c'est qui ? Les patients. C'est pas nous on s'en fiche en soi, on travaille, on fait ce qu'on a à faire, après le patient il revient pas. Le souci c'est toujours pareil, c'est la déontologie et la santé du patient. Si psychologiquement le patient sort en se croyant fragile, pensant que son dos est fragile ou qu'il a des pathologies dont on lui a jamais parlé, entre guillemets une vertèbre déplacée par exemple, justement ça peut lui poser problème sur du long terme. Donc notre priorité, logiquement, ça serait qu'il n'y ait pas d'influence néfaste à sa santé après une séance. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que globalement, il faut qu'on revoie nos modèles explicatifs par rapport à la littérature actuelle. Il faut savoir qu'on a quand même du retard, justement. Ça évolue très lentement, justement, dans la formation initiale. Avant tout, on fait ça pour le patient. Et justement, l'objectif, c'est de pouvoir aider le patient, d'établir de bonnes stratégies et de pouvoir l'aider lorsqu'il y a des douleurs aiguës ou persistantes. Une pratique ou une approche qui n'évolue pas, au final, ça restera qu'un dogme. Je trouve ça très intéressant que tu refixes un petit peu dans nos esprits qu'on doit s'occuper de la douleur du patient. Et régulièrement, moi, je me fais une réflexion. Je trouve que pendant mon cursus, finalement, on m'a très peu parlé de douleur. un petit peu en physio, un petit peu en neuro, mais la plupart du temps, on me disait que la douleur de mon patient, elle était due à sa vertèbre, à son organe, etc. Et je pense que il est urgent pour nous de remettre à jour notre modèle, notre conception de la douleur. Et ça, inévitablement, je pense que ça va nous emmener vers le modèle biopsychosocial. Complètement. Vers le modèle biopsychosocial et vers la pratique EBP. Ouais. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de spécificité et d'uniformisation, pardon. Et bien là, vous avez chacun eu votre spécificité en fonction de vos sujets et on a un discours qui est assez uniforme. Mmh. Et au-delà du modèle biopsychosocial, c'est important, je pense, de au moins connaître les grands principes, tous les mythes qui ont besoin d'être défoncés, quoi. C'est-à-dire la vertèbre déplacée, la douleur qui est égale à une blessure, tout ça. Il faut qu'on ait tous un discours commun par rapport à ça. Donc, et pour ça, ça passe par la formation, pour éviter de donner des messages nocebo aux patients, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Dans mon expérience, quand je suis sortie de l'école, presque, j'avais peur de la douleur, j'avais peur des patients trop douloureux. Aujourd'hui, la pratique, les formations que j'ai pu faire... neurosciences de la douleur, la pratique basée sur les preuves, mais aussi le modèle biopsychosocial, fait que je suis hyper sécure avec la douleur et donc c'est beaucoup plus facile d'aider les patients et de les prendre en charge et de prendre en charge leur douleur. Complètement d'accord. En sachant bien qu'on est d'accord qu'on prend en charge surtout le patient, un peu la douleur. On est d'accord, Damien. Oui, t'as complètement raison, mais faut garder en tête aussi que bien souvent la douleur, c'est le motif de consultation, c'est l'attente principale du patient. Lui, il attend de nous qu'on s'occupe de sa douleur. Alors, si bien évidemment il faut que nous on élargisse pour pouvoir le prendre en charge efficacement, pour lui le but premier quand même de la consultation, ça reste qu'on prenne en charge sa douleur. Et ça, je pense que ça dépend aussi de la géographie, tout simplement. Je sais, et je reviens sur ce que tu dis, Guillaume, parce que moi, c'est ça. Je dirais que c'est, très honnêtement, j'ai pas les statistiques là sous les yeux de mon cabinet, mais ça doit être plus de 95% de mes patients qui viennent parce qu'ils ont mal. Parce que je suis en milieu rural, que l'ostéopathie, j'ai une population à plus de 65%, je crois, qui a plus de 60 ans. Je crois même que c'est plus de 70% de ma patientèle. Ce sont des gens qui ne viennent pas pour un bilan, qui ne viennent pas parce qu'ils se disent qu'une séance dans l'année, ça peut faire du bien. Ils viennent me voir parce qu'ils ont mal, en très très grande majorité. Donc oui, prendre le patient dans sa globalité, bien sûr, avec les modèles qu'on a déjà évoqués, mais à mon avis, la première chose qu'on fait, c'est gérer la douleur. En tout cas, moi, hein, personnellement, dans ma zone géographique, c'est la première chose que je fais. On peut dire qu'on accompagne les patients dans leur gestion, dans la gestion de leur douleur. C'est très joliment dit. Ouais, oui, c'est très très bien. Très bien dit. Donner du sens à leur expérience. Merci la direction. Alors peut-être juste avant de... J'ai peut-être une micro-intervention à faire sur le comité scientifique des écoles. En fait, c'est vrai qu'il y a eu aussi les histoires d'accréditation. Enfin, tu sais, il y a des lois qui, presque tous les ans, ont été modifiées et continuent d'être un petit peu modifiées. Et donc, le comité scientifique des écoles, il a été un peu fait de manière un peu administrative et pas forcément avec des gens qui étaient forcément très compétents, entre guillemets, dans la matière de la recherche et dans le fait de se maintenir à jour. Mais ce que je constate, alors après, encore une fois, c'est plus dans deux écoles, etc., etc., mais ce que je constate, c'est que pour le coup, dans les deux écoles, même dans celle qui a un peu moins EBP, etc., etc., y a un réel intérêt pour la recherche, il y a un réel intérêt pour les dernières publications, il y a un réel effort d'adaptation petit à petit de leurs propres connaissances et de leurs propres croyances dans leur pratique déjà, et puis après, dans le fait de les inclure dans la clinique de l'école. Donc je pense que vraiment ça s'inscrit plutôt dans une bonne dynamique, cette histoire de comité scientifique. Je pense en tout cas, peut-être ceux que je connais, ils le prennent vraiment à cœur et avec une bonne intention, et pas, même s'il y a encore des réticences, et c'est clair, ça c'est sûr. Et Eh bien, merci à tous pour vos interventions. On va terminer cet épisode par une petite question. Je pense qu'on va faire ça à chaque fois. Alors, on va faire un tour de table. Et pour cet épisode, je vais vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre pratique que vous essayez de faire évoluer au cabinet, de changer, d'améliorer ? Et on va commencer par Tiphaine. Ce que je change en ce moment, en fait, j'ai changé ça depuis la sortie du confinement. J'ai diminué mon nombre de consultations par jour afin d'être plus, je crois, plus efficace, plus efficiente et plus concentrée. J'ai diminué de 30% mon nombre de créneaux ouverts par journée. Et j'ai réaugmenté mes temps de consultation afin d'avoir plus de temps avec chaque patient, de voir moins de patients par jour et donc d'être encore plus à l'écoute que ce que j'essayais d'être déjà avant. C'est marrant, j'ai fait exactement la même chose. Damien ? Peut-être être un petit peu moins, je ne sais pas trop comment le verbaliser, mais enfin, intellectualiser la consultation, parce que c'est vrai que le fait d'avoir fait beaucoup de formations dans la douleur, etc., c'est vrai qu'à un moment donné, on perd un petit peu, je trouve, hein, c'est, en tout cas moi, la réflexion que je me suis faite, c'est pour ça que j'ai essayé d'améliorer un petit peu ça, c'est j'ai trouvé que j'étais un petit peu plus distant finalement avec les patients et j'avais moins ce côté relationnel et empathique, enfin, de ce que j'en ressentais en tout cas. Et donc j'essaie de revenir un petit peu plus effectivement sur quelque chose d'un peu plus spontané, un petit peu moins réflexif, en sachant que il a forcément fallu un petit moment pour intégrer toutes les connaissances des formations, intégrer un peu toute la pratique aussi, parce que tous les différents tests, etc., que je faisais pas forcément avant non plus. Donc voilà, c'est surtout ça que j'essaie d'améliorer un petit peu, revenir un petit peu sur quelque chose pas forcément d'instinctif, mais plus de un peu moins réflexif, ouais, un peu plus dans l'instant présent, si on peut utiliser des termes un peu pompeux, mais voilà. D'accord, très bien. Ensuite, la direction. Alors moi, personnellement, ça fait 6 mois que je suis sur le même problème. Je parle trop. Donc, j'essaye de moins donner d'informations et que ce soit peut-être un peu plus clair pour certains. Voilà. C'est compliqué. Mais ça va le faire. Ok. Bien sûr que ça va le faire. Qu'est-ce que tu as mis en place pour changer ça, pour te permettre de modifier tes habitudes ? Alors quand je parle de douleur avec les patients et que j'utilise justement des métaphores, j'avais une tendance à donner trop de métaphores. Mmh. Donc justement, je me suis fait un panel de métaphores sur un petit carnet pour justement mettre tout ça au clair et essayer d'adapter par rapport aux patients en face de moi pour que ça lui parle et en même temps que j'ai pas à en sortir 5 ou 6 pour qu'ils comprennent. Bon, j'exagère, hein, j'en fais jamais 5 ou 6, mais globalement c'est 2-3 et je trouve que c'est déjà trop. Mmh. Donc déjà ça. Et après, quand je fais de l'éducation à la douleur, c'est un truc que je fais depuis 6 mois maintenant, c'est que je demande toujours l'avis du patient. Lorsque je fais son bilan, je dis, voilà, si je résume, vous avez ça, ça, ça, vous venez pour ça, ça, ça. Est-ce que vous voudriez justement comprendre un peu plus ce qui vous arrive ou juste le soulagement, ce sera très bien. Comme ça, au moins, je vois ceux qui sont vraiment intéressés. Il y en a qui n'ont pas forcément le temps et qui disent, non, c'est bon, n'inquiétez pas. Comme ça. Donc tu t'intéresses encore plus aux attentes des patients. Ouais, j'essaie de voir ça juste après entre guillemets l'entretien avec le patient, enfin, pour justement être plus au clair avec lui. Super. Merci Thierry. Eh bien, c'est marrant, mais c'est un peu tout ça à la fois, moi finalement, puisque j'ai fait comme vous, Guillaume et Tiphaine, j'ai depuis le confinement réduit le nombre de patients journaliers, ce qui me permet finalement de prendre plus de temps avec eux, ce qui me permet aussi du coup d'être encore plus dans l'empathie que je ne l'étais auparavant, ou en tout cas d'avoir la sensation d'être libéré du poids de la fatigue et d'y arriver plus facilement. J'essaye de m'améliorer là-dessus, parce qu'il est très facile quand on a un patient qui arrive avec avec son motif de consultation, son profil apparent. Il est très facile d'avoir des préjugés. Et donc, j'ai toujours essayé de lutter contre ça et d'avoir plus le temps, ça me permet donc de mieux y arriver. Et puis aussi, même problème, j'ai tendance à parler énormément. Et alors moi, j'ai ce problème que je suis donc à la campagne et donc j'ai très facilement des retours sur ma pratique. Parce que j'entends parler partout autour de moi, tout le monde se connaît, je fais partie d'associations, de choses comme ça, donc j'ai toujours des retours qui me reviennent, et apparemment c'est ce qui plaît à ma patientèle, c'est que j'explique tout. Mais moi j'ai toujours cette sensation d'expliquer trop et puis de m'embarquer dans mes explications. Donc j'essaye de travailler là-dessus. Moi ce que j'ai mis en place, c'est pas tout à fait pareil, c'est je n'écris rien, j'essaye tout simplement de jouer avec le timing, c'est-à-dire que je regarde l'horloge et quand ça fait déjà 2 minutes que je parle, je me dis que ça fait déjà, c'est déjà trop long, qu'il faudra peut-être qu'on passe à autre chose. Donc j'essaye d'avoir plus de temps, d'augmenter ma capacité d'écoute et réduire un petit peu le flot d'informations que je déversais jusqu'à présent. Très bien, merci Thierry. Et il reste Mika. Oui, moi, après avoir fait quelques formations sur le modèle biopsychosocial et après avoir lu quelques bouquins, notamment sur l'entretien motivationnel, il y a quand même pas mal de choses que j'essaye de mettre en place en même temps. S'il y en a une comme ça que j'essaye particulièrement, c'est... de demander au patient si son autorisation pour lui apporter une information, pour éviter d'avoir une relation trop hiérarchique, c'est-à-dire pas le noyer d'informations et lui donner de l'info alors qu'il ne l'a pas demandé, donc par exemple sur l'éducation à la douleur, si on va être amené de parler par exemple sur les différents facteurs qui peuvent influencer sur l'apparition d'une douleur ou le fait que ça perdure dans le temps, je vais demander au patient, si vous voulez, je peux vous en dire un peu plus sur les différents facteurs qui peuvent sous-tendre un petit peu tout ça, et en fonction de sa réponse, soit je fais une réponse plutôt courte ou plutôt longue, ou alors on passe à autre chose. Ok, donc toi aussi, ce que tu essayes de changer, d'améliorer, c'est de t'intéresser encore plus à ce qu'attend ton patient, à ce que lui souhaite. Ouais, essayer d'avoir une relation la plus patient-centrée possible. Le faire rentrer en tant que partenaire dans sa prise en charge. C'est ça, en utilisant différents outils à disposition, et il y a plein de trucs à faire, et plein de trucs à modifier, du coup, beaucoup de mauvaises habitudes à changer, ça prend du temps. Mais du coup, les constellations n'en sont que plus intéressantes et enrichissantes, en fait. Mmh. Et Guillaume, toi, est-ce que tu veux bien nous partager ce que tu changes ou améliore dans tes consultations, dans ta pratique? Oui, alors j'ai rapidement ces deux choses. Une que j'essaye depuis plusieurs mois, et j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés, c'est l'utilisation des questionnaires au cabinet pour des questions d'organisation. Je ne sais jamais trop comment articuler ça avec ma consultation. D'ailleurs, ça sera peut-être un de mes sujets prochains, ça va me forcer à y réfléchir. Et la deuxième chose, c'est la décision partagée. J'essaye au maximum de présenter les options à mon patient par rapport à sa douleur, notamment. Je lui dis, on peut faire ci, on peut faire ça, qu'est-ce que vous préférez? Et ça m'a permis de me rendre compte que bien souvent, ça arrive régulièrement, j'ai des patients qui ne veulent pas être manipulés. Et si je ne leur avais pas posé la question, je ne l'aurais jamais su. Et parfois, la manipulation, elle est là pour satisfaire le praticien et pas vraiment le patient. Donc voilà, ça c'est un truc que j'essaie de mettre en place depuis quelques semaines. Eh bien moi je trouve ça vraiment très intéressant de vous entendre les uns les autres et de voir qu'on essaye d'adapter notre pratique à nous de façon à ce qu'elle soit plus adaptée à nos patients. Dans ce que chacun de vous avait rapporté là, on, encore une fois, je trouve une certaine uniformisation de nos façons de faire. Et je suis très fière d'échanger avec vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci à toi. Je pense que c'est une belle conclusion, non? Ouais, c'est parfait. Hein, c'est nickel. Bon, merci aux intervenants d'aujourd'hui et puis on a hâte d'entendre les prochains à l'épisode 2. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt. Merci à bientôt. À bientôt.